Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié le 30 juin une déclaration. Il y a affirmé que tous les 80 millions de compatriotes veulent ardemment la réunification pacifique de la patrie et non le déclenchement de la guerre dans la péninsule coréenne. Ensuite, il a exprimé ses félicitations chaleureuses à l'ouverture du Rassemblement pan-national pour la réunification proposé par le Nord.